Bon, bien, à présent, là, les Gautreaux, là, here we have tonight, ma tante Berthe qui va vous parler, et de Montréal qui est avec nous autres ici à ce soir, le petit Daniel qui est en arrière de moi, qui est bien tannant. Bon, je vous présente ma tante Berthe sur le, qui va vous parler à l'instant. Ma tante Berthe. Bonjour à vous tous, chers neveux et nièces. C'est tante Berthe qui vous a le bonheur de vous parler, grâce à ton grand frère Gérard, dont je le remercie beaucoup. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Je profite de l'occasion, puisque je suis ici avec tante Blanche. Nous avons passé un beau dimanche gras. Écrivez-nous plus souvent, ça nous fera plaisir. J'espère que vous êtes tous bien. Bien, bonsoir. On va chanter tout à l'heure pour vous autres, là, tout ensemble. J'espère que ça vous fera plaisir. Bonjour. Oh, bonsoir, Edgar. Bonsoir, Fabiola. Bonsoir, René. C'est votre tante Blanche qui parle. Bon, je reviens encore avec vous parler de mon ami. Maintenant, je suis seule. Je n'ai plus d'appel téléphonique de Joe. Il m'a laissé cette année pour ne pas avoir à me donner un gif. Eh bien, que voulez-vous? C'est un homme. Eh bien, bon, là, je suis chandrée. Je suis votre mère. Vous faites des jours gras. Bon, j'aimerais ça vous voir, vous entendre chanter, parler, converser. Oui, que faites-vous de bon ce temps-ci? Mais moi, comme je suis palote, j'ai fait mettre des crampons à mes couvre-chaussures. Comme ça, je tombe pas, je pique la glace. Oh, dis-moi, c'est une célibataire, c'est pas comme hein? C'est une autre personne, hein? Oh là là. Eh bien, maintenant, je vais vous quitter pour aller s'amuser avec les autres, boire, chanter, rire, s'amuser, honnêtement. Bon, bien, à chacun bonsoir, chacun un beau baiser affectueux. Bon, bien, vous venez d'entendre le message de tante Blanche et de tante Berthe et de tante Blanche. À présent, ma tante Blanche, ma tante Berthe et ma mère vont vous faire une petite chanson que je vais accompagner au piano. Fait que tenez-vous bien, on part. On est supposé d'avoir quelqu'un présent qui va venir nous chanter quelque chose, une espèce de chanson à répondre. Ce sera pas bien long, ça s'en vient. Un petit instant, s'il vous plaît, on va commencer. Hello, fils, c'est Cécile qui parle. L'audio, tu t'informais si je faisais encore de la photographie. Non, ça coûte trop cher de ce temps-là. Ça revient meilleur marché de les faire développer à la pharmacie. Tu me donneras des nouvelles toi-même, OK? Nous sommes à Macailleville dans le moment et puis il y a deux, trois petites nouvelles qui sont arrivées. Le petit était malade et puis à présent, il est bien rétabli. La Cécile a tombé, s'est fait mal un genou. C'est écorché un genou, mais est en bonne voie de guérison. Elle est tombée sur le bedon, mais heureusement, il n'y a rien qui s'est produit. À présent, à la fin du tape, vous allez voir qu'il y a un message de Fernand et de moi-même. J'apprécierais beaucoup si vous gardiez pour vous autres, hein, gardez ça secret, ce que je vous ai dit, mon opinion, à la fin du tape. OK? À présent, on va continuer avec le programme. Retournons chez Père-Père et voyons ce qui se passe là. Start again later on. We'll see what will go on from now on. If you just want to wait a few minutes, we'll see what will go on. À présent, pour faire quelque chose de différent, je crois qu'on va faire quelque chose de tout à fait spécial et de tout à fait inattendu. Ma tante Berthe, parlez-nous donc de votre chum, ma tante Berthe. Envoyez-le. Oh, je peux pas en parler, j'en ai pas de chum, moi. Ben non. Je suis bien trop vieille pour avoir ça, moi. Là, je me fais rappeler que j'en ai un, là. Mais il a les épaules pas mal hautes. Il y a le cou, je sais pas où. Et puis, il y a toujours les bras tendus, puis le nez de travers, ça que je t'assure que ça m'intéresse pas beaucoup. Ouais, il est assez malade, il était assez mal pris, là, qu'il est mort. Bonjour! Mais vous avez oublié quelque chose d'important, ma tante Berthe, et vous êtes laissé une petite fortune, puis tu l'as donc, avec nous autres jeunes. C'est bien certain, j'ai que 1000 piastres, puis avec ça, je m'en vais vous voir. Tu vois bien que c'est pas mal chanceux, tout ça, hein? Et puis tes mafioles, ben je t'en apporterai un petit peu. Ça te nuira pas trop? Ben bonjour! Bon, ben je vous ai présenté ma tante Berthe. À présent, on va tâcher de trouver quelque chose de spécial. Attendez une minute, là, on va rassembler mes idées. J'aperçois dans le coin une fille, là, qui est supposée avoir rien à dire, là. Passe-moi la donc, c'est celle d'un Didon et Nardalé. On va l'emmener devant le microphone, on va lui braquer ça devant le visage. And here is the unique, the only Helen who will talk to you right in the microphone. Ben oui, mais je l'ai dit, j'avais rien dit. Hélène prétend qu'elle n'a rien à dire, alors je vous présente Hélène. Ah, bonjour! Bon, après ce long message, vous devez sans doute être pas mal exténué. C'est Hélène qui vous a parlé, la voix de femme là, que vous avez entendue, là. Bon, à présent, comme vous m'aviez demandé un petit morceau de piano, bien, je m'en vais vous envoyer une annonce qui passe à la télévision. Une belle petite annonce, c'est « Wild Root Cream Oil for Charlie who has his hairs all in a mess ». I hope you heard it over there, so you'll recognize it. Anyway, here it goes. Bonjour, vous autres. Bonjour, Ed. Et puis, est-ce que le choix marche bien encore? J'espère que vous allez venir avec la prochaine fois. À quand la prochaine visite? Quand j'ai bien hâte. À présent, vous mettrez le petit René, là, près du recordeur, j'ai un mot à lui dire. C'est étrange. René, René, viens vite. Come on. Your grandmother wants to talk to you. Come on, close. René, grand-maman ramasse toutes sortes de choses pour te faire jouer au magasin quand tu viendras à Montréal. Des boîtes de conserve, des boîtes d'œufs, des boîtes de tomates. Tout bien propre, bien gardé pour toi, là. Quand tu viendras à Montréal, tu joueras au magasin avec grand-maman. Veux-tu? Bonjour. Petit Daniel, on t'apprend à enregistrer, là. Oui. Aimes-tu s'enregistrer? Oui. Bon, dis bonjour à mon onquette. Bonjour, mon onquette. Ma tante fille, dis bonjour. Bonjour, mon tante fille. Et puis à présent, va chercher ton grand-papa, puis m'en dis s'il veut venir parler encore. OK. Bon, bien, à ce que je vois, je pense que grand-papa, il est occupé, qu'on me dit, à jouer au bingo. He's playing bingo, and if, you know, gamblers, it's a real, they have to, they just have to do it, you know what I mean? So, je pense que je vais vous passer ma tante Blanche qui a une petite chanson à chanter. Ma tante Blanche, vous voulez chanter une petite chanson? Voyez donc, ma tante Blanche. Voici ma chanson favorite. Je ne sais pas si vous allez l'aimer. Commençons. Marié, marié, c'est la façon des jeunes filles et des jeunes garçons. Avoir des enfants, c'est un bel agrément. Quand on n'en a pas, le bonheur ne dure pas. L'ouvrage d'une femme, c'est la maison. Marier la place et laver la vaisselle. Préparer le dîner, surtout le souper. Quand le mari est à veille d'arriver. Quand le mari arrive fâché, ne cherchez pas à le disputer. Prenez-le par le cou, asseyez-vous sur ses genoux. Vous allez voir l'hypocrite, il va rire comme un fou. Ouh, ouh, ouh. Bonsoir. Comment l'aimez-vous, ma chanson? Eh bien, c'est Tante Blanche qui vous a parlé, qui vous a chanté une petite chanson. J'espère que vous l'avez appréciée. Pas pire, ma Tante Blanche, pas pire. Franchement, c'est pas pire. Ma Tante Bette, aviez-vous d'autres choses à rajouter? Pendant que ma Tante Blanche, ma Tante Bette est en train de chercher dans son répertoire, vous chantez une petite chanson. Ed, where are you? Come on, I want to talk to you, Ed. Here is a short little message. Thank you very much for your letter, and thank you very much for the tape that you sent us with all kinds of information on it. I mean, all kinds of news and so on. I was very pleased. And by the way, this tape recorder business is much better than the transmitters and the amateurs, I think, because we are more or less confidential on the tape. It's not a thing that is as private as, you know, as wide as would be a transmission over the air, and with all the static, the difficulties, and, well, it would be bothering for the poor amateur, I suppose, and would be harder than on the tape like that. I think it's the best way. Thank you very much. And, by the way, Faye, viens proche du micro, je te parle un peu, là. C'est vrai que tu t'es pris dans la neige avec ton auto? J'ai entendu parler que toute la neige qu'on avait habituellement vers ici a été envoyée à Terre-Neuve. C'est formidable. Je vous souhaite du beau temps. Et... Fais dodo, dodo, dodo, mon petit gars. Depuis la lune, fais dodo. Les étoiles viendront vers nous. Si tu ne pleures. Fais dodo, dodo, dodo, mon petit gars. Dans mes bras, viens te cacher. Bien vite, tu dormiras, René. Fais dodo, dodo, mon petit gars. J'ai oublié de bonsoir, mes amis, bonsoir. Bonsoir, mes amis, bonsoir. Bonsoir, mes amis, bonsoir. Bonsoir, mes amis, bonsoir. Au revoir. bien. Vous avez entendu ma tante Blanche et ma tante Berthe qui vous ont dit le bonsoir. J'entends. À présent, on va voir, là. Il ne reste pas beaucoup de tête, mais je pense que Fernand, qui est ici à côté de moi, va vouloir vous dire quelques mots. Alors, je vous passe Fernand. Allô, Eternel. Comment ça marche par là-bas? Par ici, il n'y a pas grand-chose qui m'ouvre. Ça va à l'ordinaire. Je me suis fait une blonde, là, puis je sors en masse. Puis on a peut-être fait marcher Hubert, puis Jean du Chausson, puis Hélène avec. Puis ils m'attendent aussi. Les deux m'attendent, mais ils veulent pas se marier. J'attends votre exemple, m'attendent. Et puis. En tout cas, j'essaierai de vous écrire le plus tôt possible. Bonjour. Eh bien, fait et aide, je crois qu'ici, je vais me permettre de démettre mon opinion. Je crois que Fernand est un petit peu déçu, quoi. Il vient d'avoir sa première peine d'amour, sa première déception d'amour. Vous savez comment c'est que c'est, 18 ans, c'est pas comme lorsqu'on est plus âgé. Alors, c'est pour ça qu'il vous a probablement donné l'impression qu'il va se marier bien vite, tout de suite, quoi. Mais il n'en est rien. Il n'y a pas de blanc, lui. Alors, bonjour et oui, écrivez-nous. Cette émotion, quoi, c'est pour ça.